Bien-aimés, c'est avec plaisir que je vais partager avec vous cette petite exhortation, parce que nous sommes dans les temps de la fin et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ va bientôt se manifester. En fait, je veux parler de la trompette que tout le monde attend aujourd'hui, selon le livre de Thessaloniciens, n'est-ce pas? De cette trompette qui va sonner et qui va permettre aux enfants de Dieu, n'est-ce pas, d'aller dans les airs à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est ce que nous attendons en ce moment. Bien sûr, les personnes qui sont nées de nouveau, remplies du Saint-Esprit. Frères, vous allez remarquer, mes sœurs, que nous avons un adversaire, le diable, qui nous combat et qui ne veut pas, Seigneur, qu'on soit heureux. Il ne veut pas, le diable ne veut pas qu'on soit heureux. Le diable veut faire en sorte que notre vie sur terre soit un véritable calvaire. C'est-à-dire, rien ne marche dans ta vie. La santé, tu l'as même pas. C'est-à-dire des attaques dans tous les sens. Il veut vraiment... Le diable fait quoi? Parce que le diable ne peut rien contre notre Père. Le diable ne peut pas faire ses muscles, aller bomber le torse devant Dieu. Et comme il peut rien faire à Dieu, il s'acharne aux enfants de Dieu. Parce que devant Dieu, il ne fait pas le poids. Et c'est vers les enfants de Dieu sur terre qu'il se tourne pour venir nous faire ça dur. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit, mes enfants, ne craignez pas les épreuves. Tenez ferme, je suis avec vous. Tenez ferme, je suis avec vous. Vous avez le nom de Jésus pour combattre l'ennemi. Parce que Jésus-Christ l'a vaincu. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui des attaques, n'est-ce pas, de jour comme de nuit. Il y a des gens qui n'ont même pas le sommeil la nuit. Ils sont dérangés par les femmes de nuit. Ils sont dérangés par des hommes de nuit. Il y a d'autres qui sont dans leur lieu de travail. Ils n'ont pas la paix. Ils sont persécutés. Vous avez des gens persécutés, même au sein de leur famille. Entre frères et sœurs, tout le monde l'attaque. On le critique. On en veut à la personne. Parfois pour des motifs vraiment bidons. Donc c'est le diable qui fait ça. C'est-à-dire le diable voudrait que notre séjour sur terre soit un calvaire, vraiment un séjour de tourment où on n'a pas le repos. Mais béni soit le Seigneur parce que Jésus-Christ est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Et ce sont ceux qui ont la foi ou celles qui ont une foi ferme qui vont résister au diable et qui vont lui tenir tête. Qui vont lui tenir tête comme Paul l'a tenu tête. Les démons ont dit, on connaît Paul, on connaît Jésus, on connaît Paul. Mais qui vous êtes? C'est-à-dire, le démon savait que Paul, lui, on a tout fait. Celui-là, il n'y a que Jésus qui compte pour lui. On a tout fait. On l'a attaqué, les maladies. On a envoyé des gens le tabasser, mais on l'a mis en prison. Mais celui-là, ce n'est même pas la peine. Bien-aimés, comme vous le savez, le diable, c'est notre ennemi. Vous avez certains chrétiens, je ne sais pas si ce sont vraiment des chrétiens, parce que ceux qui vont dans les églises ne sont pas tous des chrétiens. Judas, il allait à l'église, il était avec Jésus, il a écouté les enseignements, Judas a vu des miracles, mais Judas n'était pas enfant de Dieu. Donc, de nos jours, nous avons aussi dans nos églises des Judas. Il peut être pasteur, il peut être diacre, il peut être membre de l'assemblée, mais c'est un Judas, parce qu'il est là pour d'autres motifs. Il n'est pas là pour le salut de son âme. Exactement comme Judas de la Bible. Judas, ce qui l'intéressait, c'est l'argent. N'est-ce pas? Ce n'était pas le salut de son âme. Et vous avez également aujourd'hui dans nos églises des gens qui sont comme lui, qui sont là pour... Peut-être il est venu parce qu'il suit une femme qui fréquente cette église. Peut-être il est venu pour parce qu'il aime montrer ses beaux costumes ou ses tenues, ses jupes, ses robes et compagnie. Il est là pour venir se faire voir, pour montrer ses habits. Donc, Judas est dans l'église, pas pour son salut. Bien-aimés, nous savons aujourd'hui, dans cette guerre que le diable livre à l'œuvre de notre papa, le diable combat l'œuvre de notre père. Notre père, c'est l'Éternel, notre Dieu. Et Satan est jaloux de son œuvre. Le diable, comme je l'ai dit hier, avant, il attaquait l'église de l'extérieur. Et aujourd'hui, il est rentré dans la bergerie, il est rentré dans l'église, carrément. Et il se dit pasteur, il se dit diacre, il se dit enfant de Dieu. C'est-à-dire, Satan a introduit dans l'église des espions, ses agents, pour venir à combattre l'œuvre de Dieu à l'intérieur. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous avez des femmes qui ont cru avoir affaire à des hommes de Dieu, alors que c'était des loups. On les a ruinés financièrement. D'autres, on a couché avec. Il y a des blessés aujourd'hui assises à la maison. Elles ne veulent même plus aller dans les églises parce qu'elles ont été victimes déçues des mensonges. Vous avez des frères, vraiment, je me souviens de ce frère, je l'avais croisé dans une zone industrielle à Amiens, il revenait du boulot, il m'a dit, je lui ai dit, frère, je ne te vois plus à l'église, un père de famille. Il a dit, non, le pasteur là, c'est un menteur, tout ce qu'il m'avait dit, soi-disant, Dieu lui a dit de venir me dire ça, or ça était le contraire, moi je ne crois plus à ce qu'il dit, c'est un faux. Donc vous avez des faux qui jouent à tout, c'est-à-dire, ils connaissent toutes choses, ils enseignent des fausses doctrines, Alors, bien aimé, là, je vais essayer un peu de parler ici, parce qu'il faut comprendre une chose. Lorsque nous dévoilons, on attaque les faux hommes de Dieu, les marabouts, les sorciers, les démons, le diable. C'est parce que c'est les ennemis de l'œuvre de notre Père. Parce que derrière le faux homme de Dieu se trouve le diable. Le vrai homme de Dieu a pour maître Jésus, le faux homme de Dieu a pour maître le diable. Donc c'est comme ça. Et chacun cherche son intérêt. Jésus est là jour et nuit. Il agit en nous, dans les églises, par le Saint-Esprit, pour le salut des âmes. Satan agit, lui et ses démons, jour et nuit, pour remplir l'enfer. Donc chacun cherche son intérêt. C'est-à-dire les hommes sont au milieu. Jésus cherche à amener le plus grand nombre de personnes au ciel. Satan, lui, il agit aussi pour amener le maximum de personnes en enfer. Donc, vous avez Jésus-Christ et ses envoyés, ses disciples, des personnes qu'il a lui-même envoyées. Et vous avez aussi des gens qui enseignent des fausses doctrines que Satan aussi a envoyées pour ramasser le maximum de personnes, pour les éloigner de Jésus, pour les amener dans l'erreur. C'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il n'y a pas d'élément neutre, personne n'est neutre. Ou bien tu appartiens à Jésus, ou tu appartiens au diable. Il n'y a pas de neutre dans cette affaire. Et Jésus-Christ a dit, celui qui est avec moi, celui qui est contre moi, est contre moi, il n'est pas avec moi. Donc, celui qui est avec moi est avec moi. Et quiconque n'est pas avec lui est avec le diable. Et c'est pourquoi Jésus lui-même a dit aux personnes qui ne croyaient pas en lui, les pharisiens et autres, vous avez pour père le diable. Et vous voulez faire la volonté de votre père. Vous avez certains chrétiens qui disent, oui mais prêchez-nous la parole, laissez les histoires du diable. Je suis désolé, Jésus a été lui-même le premier à livrer Satan publiquement en spectacle. Jésus a parlé du diable pour nous montrer qui est le diable. Il a dit, c'est un meurtrier. Il a dit, la vérité ne se tient pas en lui. Il ne connaît pas la vérité. Et que lorsque celui-là, diable là, lui sa parole c'est le mensonge. Et Jésus va jusqu'à dire, sachez que lui, le diable, c'est le père du mensonge. Le mensonge vient de lui. Et lorsqu'il parle du mensonge, là, il parle de son cœur. Là, parce que son cœur est rempli du mensonge. Donc, Jésus nous a parlé du diable. Jésus nous a dit qui est le diable. C'est le père du mensonge. Et il nous a dit que Satan, là, quand il vit au milieu de vous, c'est pour détruire, égorger, voler. Jésus a parlé du diable pour qu'on sache qui est le diable. Gloire à Dieu. Et tout enfant de Dieu a Satan te combat, tu dois mettre les œuvres du diable à nu, tu dois le dépouiller, parce que Satan est efficace lorsqu'il est caché. Vous savez, lorsque quelqu'un te roule dans la farine, lorsqu'un sorcier t'attaque, même dans ta propre famille, ça peut être le grand frère, ça peut être la tante, le père, la mère. Tant que tu ne sais pas qu'il est sorcier, tu vas vraiment subir les coups durs. Mais quand le masque tombe et que tu sais que c'est lui, mes problèmes viennent de celui-là. Il y a une différence. En fait, le diable n'est pas très puissant, fort, dans le mal, bien sûr, quand il est dévoilé. Il n'a plus de force quand il est dévoilé. C'est la raison pour laquelle Satan le sait. C'est pourquoi il a créé dans le monde ce qu'on appelle des sociétés secrètes. Des sociétés secrètes, c'est quoi? Des loges occultes. C'est-à-dire, Satan aime le secret. Parce que quand il est caché, c'est là où il est efficace. Il n'aime pas lorsqu'on le met à nu. Et c'est pourquoi Jésus l'a mis à nu. Et c'est pourquoi nous devons savoir qui il est. Quand Jésus vient nous dire, vous savez, c'est le père du mensonge. Il est au milieu de vous pour vous diviser, pour vous détruire, pour vous égorger. C'est Jésus qui nous dit qui est le diable. Mais avant que Jésus ne vienne sur terre, Satan était avec les hommes. Mais les hommes ne savaient pas qui il était. Et c'est ce qui se passe aussi dans des loges. Dans des loges maçonniques, on ne considère pas le diable comme un esprit mauvais. Chez les francs-maçons, ils l'adorent là-bas. Pour eux, ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Mais c'est Jésus qui vient nous révéler que là où vous le voyez, là, c'est le père du mensonge. Il fait semblant de rigoler, mais il est au milieu de vous pour vous détruire, égorger. Il est là pour ça. Dans son cœur, il n'y a que ça, il n'y a que le mensonge, il n'y a que le mal. Donc nous devons dénoncer tous les agents, toutes les personnes qui acceptent de travailler pour le diable. Et en ce qui concerne l'œuvre du salut, l'Église, Satan attaque l'Église en se servant des faux serviteurs de Dieu qu'il a introduits dans l'Église pour attaquer l'œuvre de Dieu à l'intérieur. Là, il n'est plus. Parce qu'avant, c'était des persécutions. Dans les années passées, il y avait la persécution des chrétiens en Europe, la persécution des chrétiens aux États-Unis. Donc, avant la persécution, mais aujourd'hui, il rentre à l'intérieur de l'Église pour attaquer à l'intérieur. Il envoie des gens qui se font passer pour pasteurs, pour prophètes, pour bishops de ceci, pour évangélistes, alors que c'est des loups. Et Jésus a dit que ces personnes viendront au milieu de vous pour vous séduire par des miracles et des prodiges. Ça veut dire que les envoyés du diable, comme ils ne sont pas là pour le salut des âmes, ils sont là pour le pognon, parce que dans l'affaire, Satan a rempli leur cœur de la cupidité, le désir de s'enrichir, l'amour de l'argent, et ils font des miracles pour éloigner les âmes de Jésus, ce qui fait l'affaire du diable, parce que la volonté du diable est que les âmes s'éloignent de Jésus, et comme Satan utilise le faux homme de Dieu, en lui donnant le pouvoir par les gris-gris, par les fétiches, de faire des miracles, et par les miracles, les gens vont suivre le faux homme de Dieu, et toutes les personnes qui sont devenues des proies, des faux hommes de Dieu, sont gérées par le diable, parce que le diable va continuer à donner sa puissance au faux homme de Dieu, et comme vous vous êtes accroché au miracle, vous serez toujours avec lui, et étant avec lui, vous n'êtes plus avec Jésus. C'est ça l'affaire. Satan le sait. Ok, vous savez, bien aimé, je vais essayer ici, n'est-ce pas, on va être direct, de parler quelques signes des faux hommes de Dieu. J'ai dit bien quelques signes, mais plus on va avancer dans le temps, plus Satan va changer de tactique et plus Dieu va nous révéler tout ce qui est caché. Dieu va nous le révéler afin que cela soit dénoncé. Mais pourquoi Dieu va le faire? Parce que Dieu sait que ses enfants ont des problèmes lorsqu'ils sont dans l'ignorance. C'est pourquoi Dieu a dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et c'est pourquoi Dieu va toujours pousser ses enfants à dévoiler les œuvres du diable. Et parmi les œuvres du diable, il y a les faux hommes de Dieu, les faux prophètes, les faux pasteurs. Ils font partie des œuvres du diable pour combattre le ministère, pour combattre le salut des âmes, pour combattre l'œuvre de Jésus. Il faut que tu saches, mon frère, ma sœur, que Jésus-Christ a été à la croix pour nous. C'est parce que Dieu est amour. On ne mérite pas le salut parce qu'on a tous péché et on était privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est vraiment un acte d'amour que Dieu a posé pour nous en envoyant Jésus, son fils, subir à la croix tout ce qu'il a eu à subir. Les crachats, le fouet, on l'a torturé, on l'a tabassé, tout le monde l'a insulté, voilà, comme un vulgaire voyou. Regardez le fils de Dieu, comment il a été traité. Mais Satan est jaloux. Satan est jaloux, pourquoi? Parce qu'il se dit, ces hommes vont aller au ciel. Mon Dieu, moi je vais aller en enfer. Il est hors de question, je vais tout faire. Même s'il faut rendre le faux homme de Dieu riche, même s'il faut lui donner les pouvoirs de faire descendre le feu du ciel, je vais tout faire pour arrêter le maximum de personnes. Je vais tout faire pour séduire le maximum, afin qu'ils n'aient pas les regards sur le salut de leurs âmes, mais que leurs regards soient sur les miracles. Parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire des 10 lépreux, ils sont venus voir Jésus. Les 10 ont été guéris, 9 ont obtenu le miracle. C'est-à-dire que 9 sont venus pour le miracle. Le 10e lépreux aussi a été guéri, mais il a suivi Jésus. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Donc, sur les 10, un lépreux a été sauvé. Il a eu et la guérison et le salut. Les autres, sont venus parce qu'ils voulaient juste une guérison. C'est la raison pour laquelle Satan donne le pouvoir de faire des miracles, des prodiges à les faux, aux faux hommes de Dieu pour attirer les chercheurs de miracles. Parce qu'ils seront seuls. C'est-à-dire, il faut que vous sachiez que seuls les chercheurs de miracles vont courir vers les faux hommes de Dieu. Ils sont à la recherche du miracle. Comme les 9 lépreux. La seule chose qui les intéressait lorsqu'ils sont venus vers Jésus, c'était le miracle de guérison. Et quand ils l'ont obtenu, ils sont retournés au quartier, vaqués à leur vie, comme d'habitude. Ils voulaient juste un miracle. Et c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Satan te propose les miracles. Jésus te propose le salut de ton âme. Satan te montre les miracles. Jésus te montre le royaume de Dieu. À toi de choisir. Tu cherches les miracles ou tu cherches ton salut, tu cherches à sauver ton âme. La balle est dans ton camp. Ceux qui courent derrière les faux prophètes sont à la recherche du miracle. Parce que le faux prophète, n'est-ce pas, ne prêche pas le salut. Il est là pour les miracles, pour avoir le pognon. Le vrai homme de Dieu enseigne la parole de Dieu pour le salut des âmes. Il n'est pas là pour les miracles. Ok, j'ai trouvé quelque chose, bien aimé, dans la pratique des faux hommes de Dieu. Écoutez-moi bien. Vous allez remarquer, c'est vraiment un signe fort. Le Seigneur m'a mis cela à cœur hier. Je n'avais pas cette idée avant. Que vous allez remarquer, parce que si Dieu nous parle de ces choses, c'est pour que nous ayons le discernement. Remarquez chez les faux hommes de Dieu qui travaillent avec la puissance occulte des mouchoirs, la puissance des bagues, la puissance des huiles. Soi-disant d'onction, qui ont été travaillés. Comme je vous l'ai déjà dit, que moi-même j'ai vu le marabout faire ces choses. Donc, ils travaillent avec ces choses. Vous allez remarquer quelque chose. À chaque fois qu'il, là où il y a un faux homme de Dieu, là où il y a une église, vous allez remarquer ceci. Chaque dimanche, il y a des miracles. Il y a des miracles chaque dimanche. Il y a des délivrances chaque dimanche. Il n'y a pas de culte sans miracle. Il n'y a pas de culte sans des guérisons. Quand vous voyez ça, vous avez affaire à un faux prophète. Vous avez affaire à un faux homme de Dieu. Je suis allé dans les évangiles pour regarder le ministère de Jésus. Parce que Jésus a dit, ma doctrine n'est pas de ce monde. N'est-ce pas? C'est le Père qui m'a envoyé. C'est lui, cette doctrine, c'est la doctrine du Père, la doctrine de celui qui m'a envoyé. Et dans la doctrine de Jésus, Jésus lui-même va nous montrer et enseigner sa doctrine. Vous allez remarquer, j'ai pris quelques exemples dans Marc, Luc, Jean et autres, où vous allez voir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, prêcher l'évangile à des foules jusqu'à prendre congé des gens. Il va ailleurs sans qu'il y ait un seul miracle ou une seule délivrance. Parce que vraiment, le Seigneur m'a mis cela à cœur hier. Parce qu'on croit toujours qu'à chaque fois que Jésus était devant les foules, il y avait des guérisons, des miracles. Non, il y a plein d'endroits où il a juste enseigné et puis basta. Il prend congé des gens, les gens vont chez eux et lui va ailleurs pour l'œuvre de Dieu parce qu'il allait d'endroit en endroit. Mais à chaque fois qu'il était en face de la foule, il n'y avait pas des miracles et des délivrances. Et j'ai pris quelques exemples que je vais lire tout de suite parce que vous, le Saint-Esprit m'a mis cela à cœur. Or, vous allez remarquer dans les cultes des faux hommes de Dieu qui ont des bagues et tout, il y a un miracle assuré tous les dimanches. Il n'y a pas de dimanche sans des délivrances. Il n'y a pas de dimanche sans des guérisons. Alors que les cultes de Jésus face à la foule, il n'y avait pas tout le temps miracle et guérison. Il y a plein d'endroits où il enseigne la foule et puis il n'y a pas de miracle et guérison. Il va ailleurs. Alors que eux, miracle est assuré à chaque culte. Il y a des délivrances, il y a des guérisons. À chaque culte, il n'y a pas de culte où il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de culte où on ne voit pas de guérison. Alors qu'avec Jésus, cela m'a été mis à cœur hier. Que regarde un peu. Regarde ces faux-là. Ils font des miracles à chaque culte. Alors qu'on voit Jésus, lui ne les fait pas à chaque culte. Jésus ne les fait pas à chaque culte. Mais eux les font à chaque culte. Ça veut dire quoi? C'est comme ta télécommande. Tu as la télécommande devant ta télé. Tu l'allumes quand tu veux, tu fermes la télé quand tu veux. C'est-à-dire comme leurs miracles ne viennent pas de Jésus, ils viennent de leur pouvoir occulte, ils ont été cherchés chez les marabouts. Donc ils sont assurés, ils peuvent déclencher le miracle à volonté quand ils le veulent. Quand ils le veulent. Alors que le Jésus de la Bible, lui ne fait pas des miracles à tous les cultes. Il ne les fait pas. Donc je vais d'abord lire ici dans l'évangile de... Je vais lire dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 4, au verset 1 jusqu'au verset 36. Tu as la Bible chez toi, tu peux lire Marc chapitre 4, du verset 1 au verset 36. Je dis bien 36. Je vais lire à partir du verset 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses et paraboles. Il leur dit dans son enseignement. Bon, si vous lisez du 1 à 36, comme je l'ai dit, c'est là où il va enseigner sur la parabole du semeur. Bien aimé, lisez de 1 à 36, vous allez terminer, vous verrez que Jésus termine cet enseignement devant la foule. Il n'y a aucun miracle qu'il va faire. Il n'y a aucune délivrance jusqu'à ce qu'il prendra congé des gens, il va prêcher ailleurs. Il n'y a pas ça. Du verset 1 au verset 36, il n'y a aucune délivrance. Personne n'est tombé par terre. Il n'y a pas de guérison, il n'y a rien. Bon, on va aller également. Vous pouvez également lire Marc chapitre 7 du verset 14 au verset 16. Vous pouvez également lire Marc chapitre 10 du verset 1 au verset 31. Je vais lire. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à l'homme de répudier sa femme. Vous connaissez l'histoire, donc vous pouvez lire Marc chapitre 10, du verset 1 au verset 31. Jésus va enseigner du verset 1 au verset 31 jusqu'à se séparer de la foule. Il n'y a aucun miracle. Aucun miracle. Personne ne tombe par terre. Personne n'est en transe. Jésus termine d'enseigner. Basta, il est parti enseigner ailleurs. Il n'y a pas de miracle. Et pourtant, c'est Jésus. Or, vous allez remarquer que chez les faux hommes de Dieu, miracle assuré à chaque culte. Il n'y a pas de culte sans quelqu'un en transe. Il n'y a pas de culte sans que quelqu'un tombe par terre. Alors que chez Jésus, plusieurs fois, il a enseigné devant la foule. Il n'y a pas eu de quelqu'un qui est tombé par terre. Il n'y a pas eu de guérison. Plusieurs fois, il a enseigné devant la foule et rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Alors que chez les faux hommes de Dieu, il n'y a pas de culte où quelqu'un n'est pas en transe. Il n'y a pas de culte où les gens ne tombent pas par chez eux parce que leurs miracles viennent de leur pouvoir occulte. Ils peuvent la déclencher comme la télécommande, ta télécommande et ta télé. Ils peuvent la déclencher à tout moment parce que leur miracle vient de leur pouvoir. C'est pourquoi le miracle est assuré chez eux à tous les cultes. Alors que devant Jésus, ce n'est pas le cas. Bien aimé, j'ai eu ça à cœur hier. L'Esprit m'a dit, mais non, va regarder le Jésus de la Bible. Il ne fait pas les miracles à tous les cultes. Il n'y a pas de miracle à tous les cultes. Je suis alors, bien aimé, vous pouvez également lire Marc au chapitre 11, du verset 15 au verset 17. Vous pouvez lire Luc du chapitre 4, verset 14 à 30. Vous pouvez lire Luc 8. Du verset 4 au verset 21, vous pouvez lire l'évangile de Jean au chapitre 7, du verset 14 au verset 30. Et je vous dis, je n'ai même pas terminé tous les évangiles. C'est-à-dire que vous verrez plein d'endroits où il a enseigné. Et puis basta, c'est bon, jusqu'à la fin, il n'y a pas de quelqu'un tombé en transe, il n'y a pas de quelqu'un, un démon est quitté d'un corps, il n'y a pas de guérison, non, non, non, il a juste enseigné, et puis c'est tout. On va lire encore dans Jean au chapitre 4, du verset 4. Au verset 43, c'est un long. Jésus fait un long enseignement. Alors, je vais lire. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Vous connaissez bien cette histoire, la Samaritaine et Jésus. Vous connaissez l'histoire. Et quand vous lisez l'histoire, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va révéler à cette femme, je fais court, va révéler à cette femme que vraiment tu as eu des hommes dans ta vie, même celui qui est avec toi aujourd'hui, ce n'est pas ton mari. La femme dit, oh mais vous êtes un prophète, comment vous connaissez ma vie? Et vous allez remarquer que cette femme est allée dans son village ou sa ville, dire, il y a quelqu'un là-bas au bord du puits. Moi, je partais pour puiser de l'eau, mais cet homme, on dirait un prophète, il m'a révélé les choses de ma vie, même mon intimité, ma vie privée. Il m'a parlé de ça. Et la foule viendra, les Samaritains viendront voir Jésus. Et quand vous lisez l'histoire, parce que c'est long cet enseignement, c'est du verset 4 au verset 43, Jean chapitre 4, vous verrez qu'à la fin, les Samaritains vont dire à Jésus, s'il te plaît, viens. Et Jésus va passer au milieu des Samaritains. La Bible dit 2 jours, Jésus les enseignait. Pendant 2 jours, Jésus enseignait. Et la Bible dit qu'après, Jésus est parti. Beaucoup de Samaritains crurent en lui. Mais il n'y a pas eu de quelqu'un tombé en transe là-bas. Il n'y a pas eu de... La Bible ne dit pas qu'il y a eu des guérisons là-bas, il y avait des délivrances. Non, la Bible dit seulement beaucoup, comme Jésus a enseigné chez eux pendant 2 jours, beaucoup crurent en lui. Point barre. Et puis Jésus est parti. Alors, vous allez voir également, je vais voir dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, au verset 28. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Au verset 30, « Il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. » Au verset 31, « Plusieurs parmi la foule crurent en lui. » Si vous lisez ce passage, Jésus part, beaucoup parmi la foule vont croire à son message. Mais il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Bien aimé, lisez, je n'ai même pas parcouru tous les évangiles. Il y a plein d'endroits où Jésus est en face de la foule, il les enseigne, et puis ça se termine sans des délivrances, sans des guérisons. Or, regardez bien chez les faux hommes de Dieu qui travaillent avec la puissance occulte, qu'ils ont été achetés, des mouchoirs magnétisés, des bagues. Là, le miracle est assuré à chaque culte. Il n'y a pas de culte de dimanche où il n'y a pas de guérison, où il n'y a pas de délivrance. Alors que le Jésus de la Bible, plusieurs fois, a enseigné devant la foule, il n'y a pas eu de guérison et de délivrance. Alors que eux, la délivrance et la guérison est assurée tous les dimanches. Vous verrez toujours des gens qui tombent par terre. Tous les dimanches, vous voyez des gens qui tombent au sol, alors que la Bible ne le dit pas. Bien-aimés, je vais lire dans l'évangile de Jean au chapitre 7. Voici ce que Jésus nous dit. Ma doctrine n'est pas de moi, elle est de celui qui m'a envoyé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais c'est quoi cette doctrine? Jésus nous dit sa doctrine n'est pas de lui. C'est la doctrine de celui qui l'a envoyé. Et nous savons tous que c'est son Père qui l'a envoyé. Dans Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 7, Jésus va dévoiler aux disciples sa doctrine. Il dit aux disciples, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Jésus leur donne le pouvoir de guérir, de délivrer. Et il leur dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, car l'ouvrier mérite son salaire. Il dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. Excusez-moi, l'ouvrier mérite sa nourriture. Jésus dit bien sa nourriture. Il dit, quand vous allez faire le tour du monde, quand vous irez de ville en ville, quand vous irez de village en village, donnez gratuitement. Je vous ai donné le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de délivrer les captifs. Vous ne devez pas prendre l'argent de qui que ce soit. Vous devez exercer ce pouvoir sur les gens gratuitement. Il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de « on va bâtir le temple, on va bâtir je ne sais pas quoi ». Il n'y a pas d'offrande. Il dit gratuitement. Ça, c'est la doctrine de Jésus. Les délivrances, les guérisons, purifier un lépreux, tout ça est gratuit. Parce que cela s'opère grâce à la puissance, au pouvoir que Jésus a donné à son serviteur. Et comme Jésus a donné ce pouvoir à son serviteur gratuitement, Jésus dit, ma doctrine, c'est de guérir, purifier les lépreux, chasser les démons gratuitement. Je vous ai donné ce pouvoir gratuitement. donnez-le, exercez-le aussi sur mes brebis gratuitement. Et il dit, ne prenez ni argent ni monnaie dans vos ceintures. Et à la fin, il dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. Ça veut dire quoi? Parce qu'il faut que ça soit clair. Il y a un homme de Dieu qui, je vais dire, en Afrique du Sud, toi tu es à Paris, tu invites le frère pour qu'il vienne prêcher dans ton église. Si le frère n'a pas les moyens pour le billet d'avion, vous pouvez faire son billet. Il n'y a rien de mal à ça. Mais il faut que vous sachiez que quand le frère arrive, et le frère n'habite pas ici, c'est vous qui devez s'occuper de où il va dormir et qu'est-ce qu'il va manger pendant les 2-3 jours. C'est ça la nourriture de l'ouvrier. C'est ça la nourriture de l'ouvrier. C'est-à-dire que vous l'avez invité, c'est ça. Vous devez vous occuper de là où il va dormir, qu'est-ce qu'il va manger. C'est ça la nourriture de l'ouvrier. C'est pourquoi il dit aux disciples, quand vous partirez de gauche à droite, annoncer l'évangile au monde entier, ne vous inquiétez pas, n'amenez pas votre argent, vos tuniques, vos machins, nanana, parce que devant, on va s'occuper de vous. Parce que l'ouvrier mérite sa nourriture. Ça n'a rien à voir comme les faux hommes de Dieu font. Tu l'invites à prêcher dans ton église, une fois qu'il a terminé de prêcher, toute personne qui veut le rencontrer, quand vous partez le voir, offrande. Pose une offrande. Pour tel ou tel problème, donne une offrande. Pour tel, ça n'a rien à voir. Parce qu'il donne l'offrande, pourquoi? Pourquoi tu lui demandes l'offrande? Parce que tu vas prier pour lui. Parce que la puissance de Dieu va agir dans son problème. Et tu prends en premier l'argent. C'est-à-dire, en quelque sorte, la personne paye. Il paye le miracle. Alors que dans la doctrine de Jésus, il est question de donner gratuitement les guérisons, de donner gratuitement les délivrances. C'est Jésus qui le dit. Mais toi, tu as une autre doctrine. C'est pourquoi la Bible dit, bien aimé, épître de Jean, Jean, chapitre 9, au verset 11. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Mais pourquoi Jésus, pourquoi le Saint-Esprit le dit? Parce que Dieu savait que dans les temps de la fin, il y aura des commerçants, c'est-à-dire des gens qui viendront vendre les miracles. Le miracle de Dieu, on ne le vend pas, mais le miracle du diable est payant. Le miracle du diable a toujours été payant. Quand vous allez chez des charlatans, quand vous allez chez les marabouts, c'est payant. Parce que la guérison, la délivrance, ce que vous allez recevoir là-bas, on le paye. Il n'y a pas de marabout qui soigne, qui guérit gratos. Ça n'existe pas. Tout ce qui est du diable est payant. Satan te dit, tu veux l'argent, tu veux être ministre, tu veux être professeur, tu veux être le premier, tu me donnes ton âme. Avec Satan, c'est donnant, donnant. Ce qui est du diable n'est pas gratuit. C'est Dieu qui donne gratuitement. Dieu bénit les hommes. La Bible dit, il envoie son soleil, même sur les méchants. Il fait pleuvoir, même sur les méchants. Dieu bénit, même les méchants. Alors que Satan ne donne rien cadeau. Tu veux avoir des enfants, donne quelque chose. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, que ce soit les voyants, que ce soit les astrologues, quelles que soient les personnes, ils viennent dans vos boîtes aux lettres. Ils balancent des petits bouts de papier dans vos boîtes aux lettres. Tel professeur de magie, de machin. Mais il y a toujours un montant. Il faut donner telle somme. C'est parce que Satan ne donne rien gratuitement. Dieu est le Dieu d'amour. Jésus-Christ est venu à la croix, pas parce qu'on a donné quelque chose à Dieu. Aucun homme n'a donné quelque chose à Dieu pour que Dieu dise, bon, comme je lui dois quand même ce qu'il m'a donné, mon fils, va à ton tour payer à la croix pour son salut. Non, il n'y a que Dieu qui donne gratuitement. Satan ne donne rien gratuitement. Tu veux être président de la République, il faut des sacrifices et rituels. Donc le diable, c'est donnant, donnant. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Donc, il faut regarder, frère, ma soeur, dans l'église où tu te trouves, est-ce que c'est la doctrine de Jésus qui consiste à guérir gratuitement, à bénir gratuitement, à délivrer gratuitement? Il n'y a pas d'offrande. Il n'y a pas d'offrande. Est-ce qu'on demande une offrande à une personne dans l'église où tu es avant une prière? Est-ce qu'il y a ça dans ton église? Parce que dans la doctrine, l'ouvrier, le serviteur de Dieu respecte ce que Dieu lui a dit. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit hier dans la vidéo hier, vous remarquerez que ce soit les miracles que Dieu a fait par Paul, par Pierre, par Jacques et les autres, aucun ne parle de offrande. Personne. Vous ne verrez pas que Dieu a eu à guérir les gens par les mains de Paul. Mais il n'y a jamais été question de donner une offrande. Allez lire dans la Bible, il n'y a pas d'offrande. Mais c'est quoi cet évangile d'aujourd'hui? Jésus-Christ a-t-il changé? N'est-il pas écrit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Jésus a changé. Le Jésus d'avant ne demandait pas les offrandes. Donc c'est le Jésus d'aujourd'hui qui demande les offrandes. Et vous avez ce faux homme de Dieu. Ils ont l'habitude de dire, oui, nous devons prendre l'argent parce que les trains sont... On paye les trains, on paye l'hôtel. Ce sont des escrocs. Si tu as été envoyé, tu as été invité par une église quelque part, c'est cette église qui va s'occuper de ton billet. Moi, j'ai vu ça de mes yeux. C'est l'église qui cotise, on te fait le billet. C'est l'église qui cotise, on te fait la chambre d'hôtel. C'est pas à toi de dire, donnez-moi l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus. Et si tu es honnête, mais dis aux gens, j'ai envie d'aller prêcher l'évangile aux Philippines. Frère, j'ai pas l'argent du billet. Et puis les gens cotisent, tu vas prêcher aux Philippines. Il n'y a pas de mal à ça. Mais ce qui est un problème, c'est de dire, c'est de vendre les miracles. Comme tu as envie d'aller prêcher aux Philippines, quelqu'un vient te voir, pose une offrande parce que tu veux faire le billet pour aller aux Philippines. Là, tu es en train de vendre. Là, tu fais un faux évangile. Là, tu n'es plus dans la doctrine de Jésus parce que tu vends les miracles. Tu vends la délivrance. Une personne veut la délivrance, pose d'abord une offrande. Tu vends la délivrance. Et là, tu n'es plus dans la doctrine de Jésus. Et vous allez remarquer aussi, bien aimé, dans les églises de ces faux hommes de Dieu, je vous le dis, c'est quelque chose qui frappe à l'œil. Dans leurs églises, les personnes honorées, c'est des personnes qui ont des moyens, qui donnent des grosses enveloppes. Vous allez remarquer que dans leurs églises, ils font asseoir les gens au premier banc, aux premières chaises, que les gens qui donnent des grosses sommes d'argent. Toi qui ne donnes rien, tu es au fond de la salle là-bas. C'est celui qui donne beaucoup, qui est honoré. Et ce sont les personnes qui donnent des grosses sommes, qui ont droit aux prières. C'est-à-dire, on prie beaucoup que pour les personnes qui donnent des grosses enveloppes, des gros chèques, c'est vous qui avez droit à toutes sortes de prières. Mais celui qui n'en donne rien, il est au fond là-bas. Qui va prier pour lui? On s'occupe, on l'ignore. On l'ignore. C'est-à-dire, ces hommes-là, comme ils sont là pour l'argent, ils sont, parce que la Bible dit, l'amour de l'argent a tellement rempli leur cœur qu'ils se sont éloignés loin de la foi. 1 Timothée 6. Et comme ils sont là pour l'argent, donc ils considèrent beaucoup plus dans leurs églises que les personnes qui donnent des grosses sommes. Toi, tu viens poser 10 euros par rapport à celui qui pose 500 000 euros. C'est celui qui pose 1000 euros qui a droit aux prières. On va prier pour lui. Parce que ces gens-là sont là pour l'argent. Dieu ne les a jamais envoyés. Ils ont eu recours à des fétiches pour se faire du pognon. Pour se faire du pognon. Satan est derrière eux parce que derrière le marabout, c'est le diable. Donc, dans leurs églises, tu es considéré que si tu donnes des grosses enveloppes. Il y a même une sœur qui m'a dit, bien-aimée, dans notre église, si tu ne donnes pas l'argent, qui te considère? Et elle disait même que dans leur église, quand quelqu'un vient pour la première fois, on regarde, si on voit la voiture que tu as amenée, quand tu gares sur le parking qui est devant l'église, si on voit quel genre de voiture tu as amenée, gros cylindré, voiture de luxe et tout, ils se disent, si celui-là a une voiture comme ça, il a l'argent. Et quand tu viens là, on te fait des honneurs, on te fait asseoir devant, parce qu'il se dit, celui-là a l'argent, regardez sa voiture. Donc, c'est des personnes qui sont là pour le pognon. C'est des gens, ils ne servent pas Jésus. Leur évangile n'a rien à voir avec la doctrine de Jésus, où Jésus a clairement dit, annoncez la bonne nouvelle. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez pas ni argent, ni quoi que ce soit. L'ouvrier mérite sa nourriture. Dieu pourvoira à tes besoins. C'est la raison pour laquelle, regardez un peu les disciples. Paul a voyagé. Quand Paul voyageait, il y avait des hôtels. Quand Paul voyageait, il y avait des moyens de transport. Les disciples voyageaient de ville en ville, de pays en pays. Ils n'ont jamais dit, lisez les épîtres. Ils n'ont jamais dit à qui que ce soit, donne une offrande parce que je dois aller prêcher l'évangile à tel endroit. Donne une offrande parce que je dois... Mais ils dormaient dans les hôtels puisqu'ils tournaient dans le monde. Ils n'avaient pas de maison partout. Ils dormaient quand même chez des gens. Mais non, jamais, parce que les faux hommes de Dieu, ils s'appuient en disant, oui, mais quand je vais prendre l'avion pour aller prêcher aux États-Unis, mais oui, quand tu vas aller prêcher aux États-Unis, on t'a invité. C'est à l'église des États-Unis de te faire le billet. Tu ne vas pas escroquer les bien-aimés. Voilà, regardez leur train de vie. Et Jésus a dit qu'ils vont séduire le maximum de personnes par des prodiges et des miracles. C'est des séducteurs. Vous savez, celui qui est véritable homme de Dieu n'a pas besoin de dire aux gens « je suis un homme de Dieu ». Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'un gros nom. Révérend, bishop, général. Il n'a pas besoin. Parce que Jean-Baptiste a dit, il faut que, quand les gens sont venus trouver Jean-Baptiste, ils ont dit à Jean-Baptiste, « Mais celui-là que tu as baptisé dans le Jourdain, là, tout le monde va maintenant à lui. Tout le monde, Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu en penses ? Tout le monde se tourne maintenant vers Jésus. Les gens ne viennent plus vers toi. » Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut que moi je diminue. Le vrai homme de Dieu marche dans l'humilité. Parce que le vrai homme de Dieu sait qu'il n'est rien. Quand vous voyez ces orgueilleux, ces séducteurs, leur séduction commence par leur façon de s'habiller. Regardez comment ils s'habillent. Ils s'habillent classe. Et c'est des chômeurs. Ils s'habillent classe grâce à la vente. Je dis bien à la vente de prières. Parce qu'ils vendent les prières. Ils vendent les miracles. Je vous ai parlé de cet Ivoirien qui est revenu de Londres, qui est venu prêcher à Paris, après la prédication. Dieu me met à cœur qu'il y a des femmes ici qui ne font pas des enfants. Si tu es dans ce cas, lève-toi avec 100 euros. Viens ici, je vais briser cette malédiction. Oh, tu es dans la salle, tu fais des affaires, c'est comme si on te met les bâtons dans les roues, rien ne marche. Si tu te reconnais dans cette situation, lève-toi, viens ici, avec 75 euros, je vais détruire cette malédiction. Vous voyez bien que cette doctrine-là n'a rien à voir avec la doctrine de Jésus, où Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir à guérir, délivrer gratuitement. Et vous voyez bien, ce monsieur lui vend, il vend les délivrances, il vend les guérisons. Vous voyez bien que c'est pourquoi la Bible dit, celui qui va plus loin, qui n'est plus dans la doctrine de Christ, Dieu n'est plus avec lui. À partir du moment où tu vends les miracles, tu as envie de faire un enfant, viens ici. Mais Dieu n'est plus là, tu es en train de vendre les miracles. Donc, bien aimé, c'est ça la vérité. Faisons très attention. Là où tu pries, regarde. Regarde comment les choses se font. Est-ce que c'est la doctrine de Jésus qui est là ou bien tu es dans les mains d'un faux homme de Dieu? Seigneur, je te remercie parce que dans ces temps de la fin, tu vas mettre à nu les plans. Tout ce que Satan fait dans le secret sera mis à nu et Dieu va pousser beaucoup de ses enfants à mettre à nu les œuvres du diable. Et c'est ce qui va... On n'est qu'au début. Satan ne pourra pas se cacher, frères et sœurs, parce que le diable veut profiter de l'ignorance des enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et Satan invente des tactiques. On ne va pas voir l'homme de Dieu les mains vides. C'est du mensonge. Pose une offrande, on va bâtir l'autel. Aucun disciple de Jésus, lisez les écrits des disciples. Dieu faisait des miracles par les disciples. Aucun n'a parlé d'offrande. Aucun disciple n'a jamais dit on va bâtir l'autel. Jésus n'est-il pas le même? N'est-ce pas le même Jésus? C'est maintenant qu'il a changé. Le Jésus qui ne demandait pas les offrandes et tout, bâtir l'autel, c'est maintenant qu'il le fait. C'est parce qu'ils sont dans une fausse doctrine. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse.